Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Alors, moi je m'appelle Étienne, bonjour. Je suis donc coordinateur de projet de solidarité internationale donc pour les individuels au SVI, Service Volontaire International. On est ici dans le bureau, dans notre open space, où les coordinateurs et les stagiaires, on travaille tous ensemble. Voilà, présentation rapide de qui je suis, j'ai 22 ans. Je suis français, donc je suis là depuis 3 mois maintenant. J'ai encore un contrat qui va durer jusqu'à fin août prochain. Donc c'est super chouette. J'ai pas que la coordination à faire, c'est qu'on est très polyvalent chez nous. Je fais aussi bien la communication, les ressources humaines et tout un tas de choses aussi. Aider à la préparation de nos formations pré-départ, par exemple, et aussi la mise en place de la vie associative. Qu'est-ce que t'as dit juste avant là ? Les formations pré-départ. Les formations pré-départ. Waouh, 22 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Mm-hmm. Tout, quoi. Et concrètement, ça donne quoi? Alors, tu t'occupes de quoi exactement? Dans les formations pré-départ? Dans tout ce que tu as dit, c'est quoi ton quotidien, en fait? Ben, mon quotidien, ça va être répondre aux mails, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de mails, des mails d'information. Bonjour, j'aimerais faire du volontariat. Ou voilà, je suis intéressé par tel pays, il y a ce projet qui m'intéresse, ou je vais faire de l'humanitaire. C'est le genre de mail qu'on a très souvent. Donc notre objectif, c'est répondre, clarifier les choses, clarifier les mots. Parce que dans le volontariat, justement, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. On utilise les mauvais mots, etc. Donc notamment tous les mails qui nous demandent « je vais faire de l'humanitaire ». Nous, on leur répond toujours « attention, l'humanitaire, c'est un métier ». Avec des professionnels dans des situations de crise, comme en Syrie actuellement. Donc c'est pas un petit jeune de 18 ou 19 ans. Ça, c'est un mauvais mot, un mauvais mot de dire « je veux faire l'humanitaire ». C'est un mauvais mot dans le sens où c'est pas un jeune de 18-19 ans qui va aller faire l'humanitaire. C'est un professionnel, c'est un médecin qui va aller faire l'humanitaire, ou un logistique, quelqu'un chargé en logistique qui va aller faire l'humanitaire. C'est une formation pour faire l'humanitaire. Nous, on propose du volontariat. Le volontariat, ce n'est pas un travail, donc c'est ouvert à tous. À partir de 18 ans, même c'est possible à partir de 16 ans. Voilà, nous, on ouvre ça à tout le monde. On ne demande pas de compétences précises pour faire du volontariat. Hein. Ça peut être, même si on n'a pas du tout de compétences liées au projet en soi, c'est juste, il faut de la motivation, il faut vouloir s'impliquer dans un projet comme ça. J'ai lu sur votre site que c'était jusqu'à 35 ans et pas après le volontariat. Pourquoi ? Alors, on a mis ça sur notre site parce que c'est pas qu'on peut pas, on peut très bien faire... plus de 35 ans. Par exemple, j'ai une femme de 57 ans en ce moment qui est au Bénin. Elle est partie 3 semaines. C'est juste que notre public principal, finalement, quand on fait des statistiques, il est plutôt dans ces âges-là. Notre âge moyen est de 22-23 ans. Voilà. Donc, mais on est ouvert à absolument tout le monde. Donc on a des familles qui partent. On a des gens voilà, de 40, 50, 50 ans qui partent avec nous. C'est juste que à peu près 80-90% de nos volontaires ont la vingtaine. Ok, et est-ce que tu peux me dire, toi, comment est né ce service volontaire international? Alors, c'est notre directeur, donc Pierre de Handscooter, qui était donc volontaire à SJ Vietnam, donc, qui est une de nos associations partenaires, donc au Vietnam. Et donc, il a décidé, quand il est revenu du Vietnam en 2009, de créer donc, cette association, cette ASBL, Service Volontaire International, et donc dans le but de promouvoir le volontariat international en permettant à des jeunes de partir rejoindre des associations locales et s'impliquer dans un projet. Donc l'association a grandi, donc elle est née en 2009, ça fait déjà 5 ans pratiquement 5 ans qu'elle est née. Et voilà, on a fait déjà un bon bout de chemin. On envoie plus de 350 volontaires individuels par an. On envoie aussi en groupe. On a une coordinatrice groupe, Aurore, qui s'occupe de cela. Elle envoie au moins 200 personnes par an aussi, rien qu'en groupe. Donc voilà, on a fait un bon petit bonhomme de chemin. Notre particularité, c'est donc d'être né dans un pays du sud, au Vietnam. Donc d'être plus ou moins à la base, on était une branche de SJ Vietnam. Maintenant, on a toujours ces liens très forts avec le Vietnam. Donc voilà, maintenant on est une ASBL belge depuis 5 ans. Voilà ce que je peux dire sur la naissance. Notre objectif aussi maintenant, c'est aussi se développer en France. Donc maintenant, on a une branche SVI France avec un président à Paris, donc Gabriel Dufay, qui s'occupe donc du SVI France et a développé cette branche française, parce qu'on envoie aussi beaucoup de Français, on n'envoie pas que des Belges, on envoie des Français, des Suisses, donc c'est aussi un peu se délocaliser et pas être basé qu'à Bruxelles, mais aussi à Paris, et continuer le développement du SVI. Et quoi, le SVI, donc c'est du volontariat, ça veut dire qu'il y a pas, on ne paye pas les gens ou les gens ne payent pas? Sauf leur billet d'avion, je suppose. Comment ça se passe hein? Comment ça se passe? Donc nous, c'est des volontariats qui sont autofinancés. Donc c'est aux volontaires de prendre en charge son volontariat. Donc ils ne touchent pas de rémunération de son volontariat. Donc ce qu'il va avoir en charge, ça va être donc son billet d'avion, donc, comme tu l'as dit. Il va avoir aussi sur place ce qu'on appelle des frais de participation. Donc des frais qui couvrent sa nourriture, son logement, enfin des choses qu'il faut quand même bien qu'il mange et qu'il se loge sur place, quoi. Et c'est aussi un soutien au projet, donc en général ces frais sont entre 100 et 400 euros par mois. Il y donne directement au partenaire local, donc en même temps il soutient le milieu associatif local. Donc il donne ça le premier jour de son arrivée et le partenaire local s'occupe de tout, la nourriture, du logement, etc. Assez souvent le logement est en famille d'accueil, donc ça lui permet d'être pleinement immergé dans le pays, dans la culture du pays, ou d'être en maison de volontaires s'il y a beaucoup de volontaires en même temps. Mais il va aussi découvrir d'autres cultures parce qu'il y a des volontaires qui viennent du monde entier. Donc aussi bien des Allemands, des Italiens, des Américains, des Mexicains, des Sud-Africains, et que sais-je. Donc en plus de découvrir la culture du pays dans lequel il est, admettons qu'il soit au Vietnam, donc il découvre la culture vietnamienne, mais il va vivre avec des Américains et des Argentins. Et il va aussi vivre avec eux, donc il va vivre avec des Argentins, donc il va vivre à leur rythme. Et donc il va apprendre aussi d'autres choses, il va apprendre des choses sur l'autre. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant dans ce projet de volontariat, c'est qu'on apprend des choses sur les autres, mais aussi sur soi, beaucoup de choses sur soi. On voit où sont nos limites, des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, qu'on va faire, et on se découvre énormément. Je peux parler de mon cas, j'ai fait du volontariat au Togo, j'ai énormément découvert sur moi, sur les autres, sur le partage, etc. etc. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, je trouve. C'est justement, dans notre équipe, on a tous fait soit du volontariat ou vécu à l'étranger. Donc, on sait de quoi on parle. Moi, quelqu'un qui me pose des questions sur l'Afrique, je peux lui répondre à ça. Mes collègues ont vécu en Inde, donc ils peuvent aussi répondre à ça. C'est des choses qu'on sait comment ça marche, on sait comment ça fonctionne. Donc, les questions pratiques sur comment se passe l'hygiène en Inde, sur quoi je vais dormir, qu'est-ce qu'on mange, etc., comment se passent les transports, on sait répondre à ces questions. Des questions extrêmement pratiques, on sait y répondre, pas que de la théorie pure. Voilà. Oui, puis enfin, là, c'est un exemple très concret. Tu parles de l'Inde, comment ça se passe l'hygiène. Ça dépend aussi de ton porte-monnaie, de où tu tombes, etc., non? Alors, comme tu es toujours dans une association locale, donc tu es toujours encadré avec l'association locale, donc au final, c'est sûr que ça dépend d'un pays à l'autre. Hein. Les conditions ne sont pas les mêmes au Costa Rica qu'en Inde, ou qu'au Togo, ou qu'en Islande, parce qu'on propose aussi des projets de volontariat en Europe, en Islande, en Allemagne. C'est sûr que les conditions ne sont jamais les mêmes. Après, nous, on prévient toujours nos volontaires. Il y a vraiment un suivi qui est mis en place avec chaque volontaire, de voir si c'est vraiment, si le projet est vraiment adapté à son profil, en le prévenant bien, notamment à des choses qui peuvent être plus difficiles, dans lesquelles on n'est pas habitué dans notre culture à nous. Par exemple, on a des projets dans des pays musulmans où on met vraiment en garde notamment les filles et tout un tas de choses par rapport au fait que vous êtes dans un pays où il n'y a pas la même religion, il n'y a pas les mêmes coutumes, donc vous ne pouvez pas faire des choses que vous faites chez vous. Vous devez faire attention parce qu'ici, c'est considéré comme un tabou. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé extrêmement important de mettre en place des formations pré-départ. On fait ça sur un week-end à Bruxelles, donc du samedi matin au dimanche après-midi. C'est une occasion de nous rencontrer, nous, mais de rencontrer aussi d'autres volontaires qui vont partir. Et donc, on met en place plein d'ateliers, notamment sur quelles sont vos motivations, vos craintes, la sécurité, comment s'intégrer dans un groupe, il y a un conflit, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Comment préparer mon voyage, et tout un tas de questions qui se posent bien trop souvent. Et donc, on prépare ça, et c'est toujours un bon moment de convivial, on cuisine souvent tous ensemble le samedi soir, c'est donc très sympathique. Et donc, j'imagine que vous choisissez des pays où il y a moyen de faire du volontariat. Comment ça se passe, ça? Qui choisit le pays? Qui gère les contacts? Voilà. Alors ça, c'est cette partie partenariat, finalement, les coordinateurs s'en occupent un peu tous, au final, et même nos stagiaires, tout le monde s'en occupe un petit peu, notre directeur aussi. Donc nous, on a une grille, si je peux dire une sorte de grille pour notre partenariat, il faut que notre partenaire, il ait ça, il faut que ça se passe comme ça, etc., pour que le partenariat puisse marcher. Après, là, on est constamment en recherche de nouveaux partenariats. Donc là, on est en train de chercher de nouveaux partenariats en Afrique du Sud et au Brésil, notamment. On en a eu un nouveau au Japon, un nouveau partenaire au Japon. Donc ça, c'est constamment des nouveaux partenariats. C'est toujours avec des associations locales, montées par des locaux. Donc par exemple, l'association Costa Rica, c'est un Costaricain qui l'a monté. Le projet au Sénégal, c'est un Sénégalais qui l'a monté. De même au Vietnam, etc., etc. Pour nous, c'est important que ce soit des locaux qui montent les projets. Parce qu'ils connaissent leur pays, ils connaissent la culture, ils savent quels sont les besoins. On trouve que c'est pour ça qu'on ne monte pas de projet à l'étranger, nous, parce que j'estime ne pas avoir la capacité de monter un projet en Éthiopie, parce que je ne suis pas éthiopien, je ne connais pas le pays, je n'y ai jamais été, je ne connais pas la langue, donc c'est difficile. Mais nous, par contre, nous montons des projets en Belgique, donc nous cherchons aussi des partenaires en Belgique pour accueillir des volontaires internationaux. Une de nos coordinatrices, justement, s'occupe de l'incoming, donc de l'accueil de volontaires internationaux. Donc, par exemple, on a des Russes qui viennent 3 mois sur un projet long terme. Voilà, ce genre d'exemple. On a aussi les festivals de l'été. On a un partenariat avec le festival de Dour, avec InRock et Couleur Café. Mais, excuse-moi, mais j'essaie de bien comprendre le bazar. Mais donc, vous êtes une bande ici au service volontaire international. Je suppose que vous êtes là payé, vous? Alors, nous avons des contrats spéciaux. Donc, nous, on est une association sans but lucratif. Donc, les frais d'inscription qu'on demande aux volontaires, donc qui sont maximum de 250 euros par an, c'est vraiment pour payer nos frais, notre loyer, nos factures d'électricité, nos factures d'Internet. Comme moi, quoi. Oui. Voilà, c'est vraiment, on ne fait pas du tout de bénéfice sur ces frais, c'est vraiment pour payer nos frais qu'on a chaque mois, nos déplacements, etc. etc. Et les coordinateurs, on a un contrat spécial, on est payé par l'État français. Les coordinateurs, vous êtes payé par l'État français? Oui, parce que nous sommes français. Attends, parce que là, on ne t'entend pas, tu dois venir ici tout près. C'est hors micro. Maintenant, c'est dans le micro. C'est surtout que nous sommes volontaires, nous avons un contrat de volontariat et donc c'est dans la continuité de nos activités finalement, où nous en tant que coordinateurs français, nous sommes volontaires en Belgique. Voilà, donc c'est dans la continuité. Je comprends pas bien, mais... C'est-à-dire que c'est un contrat qui s'appelle le service civique. C'est un contrat français qui permet, on va dire, l'intégration des jeunes dans le monde du travail et notamment la découverte du monde associatif. Et c'est par ce contrat-là qui peut à la fois se dérouler soit en France, soit à l'international. Donc nous, on a un contrat de service civique à l'international qui nous permet voilà, d'avoir une première expérience de travail dans le cadre d'un volontariat. Voilà, donc ça se déroule un petit peu comme ça en Belgique, enfin pour notre situation. Et d'ailleurs, sûrement qu'il va y avoir un nouveau contrat de service citoyen en Belgique pour les Belges. Donc basé sur la même chose que notre contrat français. Mais donc, merci. Hein. Mais tu peux continuer à discuter avec nous. Hein, mais par exemple, il n'y a pas de... Parce que j'imagine que vous trouvez une personne dans un pays qui fait un projet local, comme vous parlez. Après, j'imagine que... Il y a un business. Comment cette personne vient vous trouver ou vous allez la trouver pour dire bah, tiens, voilà, il y a un projet, on peut inviter des volontaires pour faire tout un travail. J'imagine que l'argent là-dedans, il a quand même. Il a à voir, quoi. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ben justement, ça, c'est important pour nous dans le partenariat qu'on monte, c'est que. Donc, comme il y a des frais de participation qui sont fixés par le partenaire, ce n'est pas nous qui fixons les frais de participation. Comme ça varie d'un pays à l'autre, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, ils n'incluent pas les mêmes choses, etc., etc. Donc nous, on veut toujours des partenariats où finalement les frais de participation ne sont sont les moins chers possibles. Par exemple, on a eu une demande de partenariat venant du Brésil où les frais de participation étaient à 1 000 $ par mois. Donc là, tout de suite, on s'est dit, ça va être un peu compliqué parce que nos volontaires n'ont pas les moyens de clairement mettre 1 000 $ par mois juste pour ma bouffe et mon logement. Donc pour nous, c'est pas possible. Ça, c'est à prendre en compte. Des partenaires qui demandent beaucoup trop, on ne peut pas parce que nous avons justement c'est un coût, ces projets de volontariat. Donc on essaye de réduire un maximum les coûts. Donc d'avoir des projets où, par exemple, on a le projet au Cambodge où c'est 150 € par mois, le logement, la nourriture et le soutien au projet compris. Parce que ce serait facile en fait de faire un business entre l'Europe, en tout cas les pays riches, et puis les pays qui sont moins, hein, vous voyez, le pouvoir d'achat qui est tout à fait différent, et du coup de se faire vachement plein de thunes en peu de temps avec l'idée que les gens viennent faire du volontariat pour améliorer le pays, alors que sous-jacent il y a autre chose qui se dégage, quoi. Qui veut réagir? En fait, nous, on est assez, je parle de mon cas, mais c'est assez aussi partagé par l'ensemble de mes collègues, on est assez contre ce rapport très marqué nord-sud, finalement. Partir de ce rapport nord-sud, c'est vraiment tout de suite, moi, le dominant, je vais l'aider le dominé. Moi, le riche, je vais l'aider le pauvre. Alors que c'est pas du tout l'objectif. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est l'échange. On est sur un même pied d'égalité, c'est un échange interculturel à aller découvrir l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, pour prendre l'exemple, la Moldavie, qui est un pays du nord, est un pays qui est nettement plus pauvre que le Vietnam, pays du sud. Donc c'est très dur d'être aussi strict sur ses limites nord-sud, plus prendre les pays comme une entité à part entière et oublier ses frontières de nord-sud. C'est notre, je pense, notre point. Et il y a Aurore qui va réagir. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la conversation qu'on a eue au niveau des frais. Par rapport à l'incoming, donc, c'est-à-dire l'accueil des volontaires internationaux en Belgique. Eux sont au contraire, sur certains projets, rémunérés. Donc on travaille avec différentes associations, ASBL, notamment Arche, Accueil et Vie, qui sont des associations qui prennent en charge des personnes handicapées. Et donc les volontaires sont là pour soutenir les activités de ces deux associations, notamment. Et donc ils perçoivent, on va dire, de l'argent de poche. Donc c'est pas énorme, mais environ 150 € par mois. Et ils sont logés et nourris à côté de ça. Donc ça permet aussi de contrebalancer. On est dans une perspective d'échange et non pas simplement on envoie des Belges à l'étranger et il n'y a rien en retour. Donc ça, c'est très important pour nous. On est en train de mettre en place aussi Étienne l'a expliqué auparavant, différentes formes de partenariats et des nouveaux projets, donc notamment avec un partenariat avec le Théâtre Alena à Liège, qui proposera à des volontaires internationaux de venir partager cette expérience théâtrale, je dirais, pour 10 jours, où d'autres volontaires viendront sur les différents festivals cet été, déjà cité par Étienne, Couleur Café, Dour, Esperanza éventuellement. C'est vraiment l'échange, et notre objectif, c'est vraiment l'échange interculturel, la rencontre, plutôt parce qu'on sait très bien que sur un projet de 3 semaines, le volontaire, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il va simplement pouvoir apporter quelque chose, échanger, mais il ne va pas transformer le pays. Et ça, il faut bien que les gens soient conscients que... Quand tu dis les gens, c'est quels gens que tu parles ? Les volontaires. Les volontaires, parce que souvent, c'est vrai qu'on reçoit énormément de mails. Je veux faire de l'humanitaire, je veux faire du volontariat, je veux presque sauver le monde. Bon, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui se sent à travers les mails. C'est une belle valeur, ça, on va dire. J'ai envie de changer le monde, non ? C'est très naïf. Bien sûr, c'est... Mais c'est beau quand même. Oui, bien sûr, tout à fait. On a tous envie de changer le monde. On a tous notre côté un peu naïf. On a tous notre côté un peu utopiste, hein, moi-même. C'est-à-dire qu'on a envie... c'est ce qui nous porte à vouloir faire du volontariat. C'est clair que c'est des choses très importantes. Mais en même temps, il y a la réalité des choses qui revient vers nous et qui nous fait vite comprendre que... En 3 semaines, on ne pourra pas changer le monde. Et ce n'est pas nous qui allons changer le système. On participe à ce changement, mais on ne le changera pas. Ça a l'air d'être... c'est cool. On participe au changement. Oui, oui, mais voilà. Pour finir peut-être sur l'aspect de la finance, parce que moi, c'est ça que je trouvais marrant, c'est le volontariat, c'est volontaire. On vient, on n'est pas payé, on fait un acte pour changer le monde, pour aider, pour donner... comment on dit ça, la petite pierre à l'édifice, là, la phrase bidon. Et en parallèle, mais voilà, je voulais juste entendre ce que vous aviez à dire par rapport à ça. Hein. En parallèle, il y aurait des gens, parce que tu disais, oui, on s'en fout du nord, sud, machin, bazar, les dominants, dominés. Oui, oui, mais c'est une réalité. Je veux dire, les faits sont là, on est les dominants, il y a des dominés. Et que sous couvert de tout ça, il y a des gens qui se mettraient de l'argent dans les poches facilement parce que le petit européen, la petite européenne, enfin en tout cas le dominant, il a envie un peu de se sacrifier pour aider à changer le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, j'avais encore envie d'entendre ce que vous aviez à dire là-dessus et puis on pourrait peut-être passer à autre chose. Mais c'est ça l'idée, hein, le volontariat. Voilà, on est volontaire, il n'y a pas d'argent, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça, quoi, voilà. Je voulais juste revenir sur la perception du dominant-dominé. Donc, c'est assez personnel ce que je vais dire et c'est ma propre pensée. C'est-à-dire que c'est une création de la société, cette notion de dominant-dominé. On est là, on nous a finalement inculqué tout au long par les médias, par ce qu'on entend tous les jours, par les différentes actions qui sont mises en place par les États, l'humanitaire, la coopération internationale. Et ça, c'est une création de notre société qui dit nous sommes les dominants et on va aller aider finalement les personnes qui sont entre guillemets considérées comme dominées ou en tout cas enfin, il y a cette notion, il y a ce rapport de supérieur-inférieur qui s'impose dans notre société occidentale et qui ne devrait pas être. Et la deuxième question. Non, mais c'était la deuxième, c'était de parler du volontariat et du business à côté, quoi. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que les jeunes qui viennent peuvent vraiment faire conscience à service volontaire international, dans le sens où il n'y a pas des gens qui se mettent de l'argent dans les poches tranquillement, quoi. Voilà. Comme j'ai pu rencontrer par exemple des projets où on fait venir des Africains pour faire du théâtre et tout qu'on fait, ben je ne vais pas commencer à parler de tout ça, hein, mais on a pu voir que les gens, en fait, qui accueillaient, ben, se mettaient de l'argent dans les poches, tranquillou. Donc voilà, c'était juste poser cette question-là. Ben, c'est une très bonne question. C'est justement, nous, c'est aussi primordial dans nos partenariats, c'est le sérieux du partenaire. Voilà, c'est vrai que dès qu'on a un nouveau partenariat, souvent, on aime bien faire de l'exploration. Si c'est un nouveau partenariat, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, parce qu'on n'a pas encore cette faculté à pouvoir constamment se rendre, on va dire, sur place, on n'a pas les moyens d'aller à chaque fois au Costa Rica ou au Kenya pour aller voir les nouveaux partenaires. Donc, c'est toujours un volontaire aguerri qui va, on va dire, en premier chez un nouveau partenaire. Et c'est pour ça qu'on fait toujours une évaluation de nos projets. Est-ce que le projet s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Il est bien, il est comme ça. Ou on peut le continuer. Ou quand on a un mauvais retour, on arrête le partenariat. Il y a des partenariats où il y a eu une mauvaise expérience, on a arrêté le partenariat parce que c'était pas possible pour nos volontaires de... Enfin, nous, on pouvait pas envoyer des volontaires là-bas si ça se passait mal. Donc on a arrêté le partenariat. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à nos partenaires en Belgique. Il faut savoir que les volontaires internationaux qui viennent en Belgique, en tout cas, ne versent aucune somme au SVI. Voilà, ils sont payés et ils n'ont rien à payer sur place. Alors peut-être qu'avec leur organisation d'envoi, ils ont peut-être des frais à payer. Ça, je ne sais pas combien exactement, mais il y a peut-être des frais, mais qui doivent être assez minimes. Et sinon, sur place, il n'y a rien à payer. Ils sont logés, nourris. Et pour certains projets, ils ont un peu d'argent de poche. Donc il n'y a pas d'argent qui circule, en tout cas, du sud au nord, en Belgique. Et ça, c'est une garantie. Enfin... Bon, et qu'est-ce que j'allais dire ? Et tiens, on va un petit peu parler aussi maintenant du retour ou même du départ de ces jeunes, parce que c'est... Bah, toi, t'as 22 ans. Mmh. Enfin, moi, je trouve, waouh, quoi, 22 ans, tu découvres le monde, quoi. Enfin, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu sauvage dans ma forêt, peut-être. Mais à 22 ans, tu découvres le monde, quoi. Donc ça donne quoi, en fait, dans les départs et dans les retours de ces jeunes, en fait ? Ben ça, c'est aussi très important chez nous, c'est le suivi du début jusqu'à la fin du projet, même encore après. C'est-à-dire que voilà, nous, il y a vraiment la préparation au départ, donc d'où l'intérêt de la formation, mais aussi, moi je dis toujours à mes volontaires, tu as une quelconque question, tu nous appelles. Tu m'envoies un mail, même si c'est une question qui peut paraître très banale et que tu n'oses pas la poser, pose-la. Parce qu'au moins, tu auras ta réponse et tu sauras quoi faire sur place. Ça, c'est extrêmement important. On a un numéro d'urgence 24 sur 24, 7 jours sur 7, si jamais ils ont un souci, aussi sur place. De toute façon, sur place, ils sont encadrés, il y a une association d'accueil qui les accueille. Donc, il n'y a pas de problème sur place, en tout cas. Et si, par exemple, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Vous allez les chercher en hélicoptère? Ben, s'il y a un souci sur place, c'est sûr qu'on ne va pas aller les chercher en hélicoptère non plus. Donc... On n'a pas encore l'hélicoptère en fait, c'est tout simplement pour ça. Il y a le numéro d'urgence, on appelle aussi directement l'association locale. C'est en fait, une fois qu'ils sont sur place, ils sont plus sous notre tutelle, ils sont sous la tutelle de l'association locale. Donc s'ils ont un problème sur place, c'est avec l'association locale qu'ils le voient. Et donc ça, on prévient à chaque fois que nous, on est toujours disponible aussi, on est toujours là en Belgique, on est toujours accessible. Donc si jamais il y a quelque chose qu'ils veulent nous dire, ils nous le disent aussi. Mais une fois sur place, ils sont sous la tutelle de l'association locale. Voilà. Par exemple, parce qu'on parlait d'anecdotes et de trucs très concrets, moi j'aime bien quand même. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer comme problème? Qu'est-ce qu'il y a déjà eu comme problème? Moi je peux raconter une petite histoire de mon volontariat. Souvent des volontaires qui peut-être fantasment un petit peu dans leur projet en se disant je vais aller sauver le monde ou par exemple la jeune fille qui part en Inde qui est persuadée qu'elle va aller faire un clip de Bollywood et qu'elle sera en magnifique sari argenté et qu'elle aura les cheveux au vent, enfin des fois on a ça comme fantasme hein, voilà, nous on essaye à tout prix d'éviter les fantasmes et donc de bien faire comprendre la réalité des choses, de comment ce sera sur place. D'où, voilà, moi je suis arrivé sur mon projet de volontariat, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai dormi par terre pendant un mois, j'ai très mal dormi, j'avais mal aux épaules tout le temps, mais je m'y suis fait. C'est vrai qu'il y en a certains, au bout d'une ou deux semaines, qui disaient « Oh, j'en peux plus », tout ça, l'hygiène aussi, l'hygiène n'était quand même pas extraordinaire non plus. Mais peut-être le problème qu'il pouvait y avoir dans mon projet de volontariat, c'était peut-être le groupe. Moi, j'étais dans un groupe de francophones, on était 10. Et on avait tous des motivations différentes. Et donc c'est vrai qu'à un moment, ça... Comme quoi, par exemple, les motivations différentes? C'est intéressant de voir. Alors, moi, je parlais des miennes. Ma motivation, c'était me prendre une claque, je pense, dans la figure, de voir ce que c'était la réalité, et pas du tout, je vais sauver le monde. Clairement pas, je savais que j'allais clairement pas sauver le monde. C'était juste voir la réalité des choses, comment ça se passe. Voilà, donc je ne m'étais fait aucun film, je suis arrivé sur place, c'était ce à quoi je m'attendais. Donc je m'y suis... tout de suite intégré, on va dire, dans le projet et dans la société togolaise. D'autres, c'était plus... oui, mais je veux faire du tourisme aussi. Enfin, le projet, finalement, était passé en deuxième plan. Et en premier plan, je veux visiter le pays. Mais le projet en premier plan, par exemple, parce que c'est ça aussi, on dit... voilà, il y a des gens qui... Des jeunes qui se disent, je vais changer le monde. OK. Mais par exemple, c'est changer... Quand vous envoyez, quand vous proposez à des jeunes d'aller dans tel pays, c'est quand même pour aider très localement quelque chose. Exemple d'aide, voilà. Ben, ce sont toujours des projets d'initiative locale. Donc, ça va être à l'échelle d'un quartier, dans une grande ville ou d'un petit village, dans une campagne. Alors, par exemple, ça peut être un projet aussi bien être un appui aux enseignants au Sénégal et être aussi aidé à l'animation avec les enfants. Parce que le matin, donc, ils aident les enseignants, donc... Ils ne sont pas les enseignants, il y a un enseignant sénégalais, mais ils sont avec l'enseignant sénégalais en classe. Et l'après-midi, ils font donc de l'animation, donc aussi bien des chants, des danses, du sport, des activités culturelles, du dessin, sur l'après-midi. Donc ça peut être un projet. Il y a un autre projet, ça peut être... donc c'est assez souvent comme ça, les projets avec les enfants, c'est de l'animation. C'est pas de l'enseignement, c'est de l'animation. Parce qu'on estime que nos volontaires n'ont pas les qualifications pour faire l'enseignement. Puis c'est aussi, ça voudrait dire aussi prendre la place des enseignants sur place. Ce qui n'est pas du tout notre but. Nous, c'est juste donner un coup de main, donc donner un coup de main pour l'animation. Un autre exemple de projet, il y a aussi des projets environnement et animaux. Donc il y a par exemple un projet en Floride où le volontaire est dans un sanctuaire pour grands animaux, donc des animaux, des grands félins principalement. Donc ces animaux ont été récupérés par la propriétaire. Ces animaux ont été maltraités, donc elle les a récupérés. Elle a aussi récupéré des chiens et des chats. Et c'est donc juste aider dans le sanctuaire, donc ça va être préparer la nourriture, nourrir les animaux, observer, beaucoup d'observations. Parce que voilà, nos volontaires ne sont pas vétérinaires non plus, donc c'est pas eux qui vont aller soigner le tigre, hein, donc ils vont observer. Ils vont observer par exemple les phases de soins, ils vont aussi faire de la manutention, donc entretien des habitats, des cages, et en construire d'autres pour les nouveaux animaux qui vont arriver. Donc ça, c'est le type de projet, un projet animalier, comme ça souvent. Là, c'est pas changer le monde, là. C'est carrément donner un coup de main dans un endroit, ou bien même apprendre quelque chose. Enfin, là, c'est pas du tout... C'est aussi le but du volontariat, c'est clairement pas changer le monde, c'est donner un coup de main précis, d'un point de vue local, et apprendre quelque chose. C'est sûr que nous, c'est pour ça qu'on trouve très important, c'est ce qu'on appelle l'éducation informelle. C'est à travers ce volontariat, finalement, le volontaire va vraiment apprendre beaucoup de choses. Il va apprendre, par exemple, s'il est dans le sanctuaire, ok, c'est comme ça que ça se passe. Ou dans une école au Sénégal, c'est comme ça que se fait l'éducation ici, ok, c'est chouette. C'est comme ça que vous jouez, j'ai appris un nouveau jeu, ou j'ai appris un nouveau sport, ou j'ai appris aussi quelques mots d'une nouvelle langue, j'ai pratiqué mon anglais. C'est vraiment de l'informel, c'est vraiment nous ce qu'on appelle de l'éducation informelle, c'est apprendre plein de petites choses qui ne s'apprendraient pas en classe dans un cours, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent sur le terrain. Parce que, excusez-moi, je reste calée sur le truc, j'ai l'impression que c'est fun aussi de partir à l'étranger, changer le monde, on aura envie de dire, ok, mais il y a moyen de changer les choses ici en Belgique. Enfin voilà, c'est quand même dans l'air du temps, d'une génération là, qui est toute jeune, de parcourir le monde en disant, ouais, moi j'ai été là, je l'ai fait, c'est le top quoi, donc... Voilà, c'est un peu complexe, tous ces bazars. Justement, nous aussi, notre objectif, c'est à travers ces projets de volontariat que nos volontaires deviennent des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle les cracks. Donc je me suis impliqué dans un projet, par exemple, de un mois lié à l'environnement, donc à la protection des tortues marines au Costa Rica. Mais quand je reviens ici en Belgique, c'est que je continue en fait mon engagement, l'engagement associatif que j'ai fait au Costa Rica, mais j'ai envie, pourquoi pas le continuer finalement ici. Voilà, pourquoi pas le continuer en Belgique. Par exemple, il y a dans le quartier à côté de chez moi, il y a une association liée à l'environnement et au tri des déchets. Je vais aller aider ça, l'environnement c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai encore plus découvert au Costa Rica, j'ai envie de continuer ce combat. J'ai envie de m'engager chez Greenpeace par exemple, ou j'ai envie de m'engager chez WWF, World Wide Friends. Ça c'est notre objectif aussi, c'est que l'engagement c'est... que ce n'est pas juste sur le temps de son projet, mais que c'est tout le long. Quelqu'un qui a été lié, qui a fait un projet d'animation, après se sent concerné par l'éducation et veulent s'engager chez Plan Belgique, qui se bat pour la scolarisation des jeunes filles à travers le monde. C'est aussi notre objectif, c'est que nous sommes une association qui vit pour les jeunes, mais aussi qui vit grâce aux jeunes. Notre équipe, on est tous des jeunes. Il y a des bénévoles, on est tous des jeunes, on a tous entre 20 et 25 ans. Et les vieux, alors quoi, ils sont pas chouettes, les vieux, quoi. Mais si, on aime beaucoup les vieux, il n'y a pas de problème. Mais justement, comme je l'ai dit au début, nos projets sont ouverts à n'importe quel âge, c'est à partir de 18 ans. C'est même possible à partir de 16, mais disons que le choix est plus restreint pour des questions de responsabilité. Et donc c'est pour ça que la plupart des projets mineurs sont en Europe. Voilà, là où c'est que c'est plus facile, notamment pour les questions de visa... etc. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais c'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est que l'engagement, aussi, on leur dit, l'engagement à nos volontaires qui reviennent, tu peux aussi continuer ton engagement en t'engageant avec le SVI et, par exemple, en participant à notre week-end de rentrée ou à nous aider dans nos séances d'information ou à venir témoigner de ton volontariat que, voilà, l'engagement, c'est pas juste... Juste, je vais le faire à l'étranger, je pars au Costa Rica, c'est sympa. Non, en Belgique aussi, il y a des besoins. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'aide. Il y a par exemple des SDF qui sont dans les plus mauvaises conditions que les SDF au Vietnam, qui ont besoin d'aide aussi. Donc il faut aussi s'engager auprès de ces gens qui cherchent, qui ont besoin de volontaires. Et donc on repart. Donc les jeunes, ils sont là, ouais, je veux changer le monde et tout. Ils téléphonent au service volontaire, tu leur dis, on ne change pas le monde ici. C'était ça l'idée. Tu leur proposes, tu leur mets un peu les pieds sur la terre, quoi. En tout cas, la tête un peu, tu les secoues un peu, c'est ça ? Je les secoue pas non plus complètement, mais c'est sûr que je suis clair dès le début. Je leur dis, je fais attention, ne fais pas d'humanitaire. Es-tu bien conscient de ce qu'est le volontariat et tout ça ? Donc, pour nous, je leur raccroche pas du tout au nez, pas du tout. C'est tout le contraire, je discute beaucoup avec eux, parce que c'est important de parler avec des jeunes. Parfois, je passe 30-35 minutes avec une personne qui a des questions et ses motivations semblent un peu incohérentes avec le projet qu'elle souhaite faire. Donc, je discute vraiment avec elle. Es-tu vraiment sûr que ce projet te convient ? Moi, en ayant parlé avec toi au téléphone peut-être 20 minutes, c'est un peu difficile de se faire une idée. Mais je te conseille plutôt ce type de projet, je sens qu'il te correspond plus. Pour nous, c'est important de bien diriger nos volontaires sur le projet qui correspond. Et alors, je suppose que vous avez des surprises entre des gens à la base qui reviennent contents aussi d'un projet Ben, on a de une énorme partie reviennent absolument comblés et se disent ça m'a vraiment apporté quelque chose. Mais certains vont dire ça m'a apporté quelque chose, mais je me suis dit que finalement j'étais pas fait pour vivre dans ce genre de pays. Mais maintenant, je le sais grâce au volontariat, parce que j'ai découvert une réalité que je pensais pas. Et maintenant, je suis conscient que, voilà, par exemple, il y en a certains qui disent je vais travailler plus tard dans l'humanitaire, donc j'ai envie de faire du volontariat. Ils partent, ils voient que la réalité du terrain est beaucoup trop dure pour eux. Ils reviennent. Ben, grâce au volontariat que j'ai fait, grâce à vous, je sais que l'humanitaire, finalement, c'est trop dur pour moi, que je ne pourrais pas faire de l'humanitaire plus tard. Voilà. Et donc certains, justement, découvrent leur vocation. On a certains volontaires qui, après 2 semaines, reviennent, je veux faire un tour du monde, je veux m'impliquer, et qui s'impliquent énormément au sein du SVI. Donc ça, c'est vraiment chouette, ce genre de volontaires qu'on a. Et voilà, c'est... On revient forcément grandi d'un projet de volontariat, forcément. Peu importe le pays où on part et peu importe la durée. Envie de rajouter quelque chose là-dessus, sur tout ça ? Si t'as rien à dire, t'as rien à dire, hein. Là, il faut pas parler pour ne rien dire. Ta question a été un petit peu soudaine. J'ai pas eu le temps de me préparer. Non, mais peut-être t'entendais ton collègue qui disait « Ah ouais, moi j'ai envie de rajouter ça » ou pas. Non, et si t'as rien, t'as rien, hein. Moi, je pense qu'on a dit l'essentiel. Tu dis ? Je pense qu'on a dit l'essentiel du SVI, comment on fonctionnait, quelles étaient vraiment nos valeurs importantes pour nous. Parce que ça, c'est vrai que c'est toujours difficile de voir juste notre site internet, mais qui sont les gens qui travaillent derrière ce site internet ? Ben, c'est nous. Et on explique vraiment nos points de vue, nos expériences, des petites anecdotes aussi. Donc c'est toujours important d'avoir ce genre de possibilité, voilà, de communiquer qui on est, et quel est notre but et quelles sont nos valeurs. Donc merci beaucoup en tout cas. En tout cas, ce qu'on pourrait faire comme ça par voie orale, c'est donner un petit téléphone. Alors le mail, c'est info@servicevolontaire.org, c'est tout au singulier, c'est facile. Le numéro de téléphone, c'est le 02 888 67 13. Vous avez notre site internet servicevolontaire.org, n'hésitez pas à nous appeler, on est toujours disponible, on répond tout de suite. Au taquet, on vous attend. Solidairement vôtre. Henri Houben, économiste d'attaque, en lui demandant, on a bien montré et on nous dit souvent que le modèle social européen est vraiment supérieur aux États-Unis. Alors s'il est si beau, pourquoi est-ce qu'on l'abandonne et qu'on le détruit ? En fait, pour répondre de manière très simple, parce que en fait, ce qui prime, ce sont les intérêts des grands groupes industriels et financiers européens, et que c'est en fonction d'eux qu'on fait la politique au niveau européen. Donc on a parlé par exemple du processus de Lisbonne qui donc fixe l'objectif pour 2010 de faire de l'Union européenne l'économie dans le monde, de la connaissance dans le monde la plus compétitive et la plus dynamique. Donc ça veut dire que c'est très orienté vers la compétitivité. Donc il s'agit très clairement de vouloir rendre les entreprises européennes plus compétitives que les concurrents, parce qu'on n'est pas compétitif comme ça abstraitement, on l'est par rapport évidemment à des concurrents. Et dans le monde actuellement, le concurrent numéro un, enfin, dans la plupart des secteurs, ce sont les États-Unis ou bien les entreprises américaines. Et donc la compétitivité, c'est en premier lieu contre ça. Et donc en fait, quand on regarde un peu les grandes entreprises européennes ou bien la situation au niveau des grands actionnaires de ces entreprises, on voit que en fait, ils se trouvent pratiquement à tous les niveaux en compétition, en lutte contre les États-Unis. Donc on a par exemple au niveau de la répartition des richesses. Donc il y a, en fait, c'est très intéressant parce que ce rapport est publié chaque année en juin. Ce qu'on appelle le World Wealth Report, c'est-à-dire, traduction, le rapport de la richesse mondiale. Ce sont deux sociétés financières qui font cela parce qu'elles gèrent la fortune des gens les plus riches dans le monde. Et donc, ils font une évaluation des gens qui ont une fortune financière de plus d'un million de dollars. Et donc, ils constatent pour l'année passée, hein, donc pour le rapport de l'année passée, donc c'est sur les bases des chiffres de 2003, que 7,7 millions possèdent une fortune dans le monde de plus d'un million de dollars. Ce qui veut dire que c'est à peu près 1 pour 1000 dans le monde. Ils ont une fortune évaluée à 28 800 milliards de dollars. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est, mais moi pas, personnellement. Mais c'est pour vous donner une idée, c'est à peu près le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse qu'on produit en un an dans l'ensemble du monde. Donc c'est à peu près 33 000 milliards. Donc les 28 800 milliards, c'est à peu près le même niveau. Et donc, dans cette répartition de la richesse, les Européens sont 2 600 000 et ils ont une richesse à peu près de un peu moins de 10 000 milliards. Donc pour résumer, les Européens très riches trouvent qu'ils ne sont pas assez riches et qu'il faut rattraper les États-Unis. Mais l'avantage des États-Unis, il vient de quoi ? Les États-Unis, en fait, il vient de la situation après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc ils se sont installés comme étant la première puissance au niveau politique, militaire, économique, etc. Mais la situation actuelle vient surtout depuis 1989 à peu près. Donc jusqu'en 1989, la politique américaine était essentiellement de se tourner vers l'Union soviétique et donc de permettre d'une certaine manière le développement de certaines régions, dont l'Europe, parce que en fait, ça servait aussi de base et de tremplin contre l'Union soviétique. Mais à partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée, évidemment, l'Europe n'a plus ce rôle. Et aussi parce que la crise et les marges de profit descendent, crise monte, les marges de profit descendent, et donc il faut prendre les profits même aux alliés européens, c'est ça. Tout à fait. Donc les deux facteurs jouent en même temps. Mais donc, à partir de 1989, donc ils sont devenus réellement des concurrents. Donc ils ont imposé toute une série d'orientations qui ont fait... Donc je vous signale que, par exemple, à la fin des années 80, ceux qu'on trouvait compétitifs, c'était les Japonais. À la fin des années 80, il y a eu un livre aux États-Unis qui ça s'appelait « Made in America », et c'était pour décrire le déclin industriel américain, etc. Mais les avantages des Américains maintenant, c'est quoi concrètement ? Les avantages, c'est en fait d'utiliser à la fois toute une série d'avantages qu'ils ont eus par leur rôle important au niveau international, c'est-à-dire la puissance militaire, le rôle du dollar, le fait que, par exemple, 60% du commerce mondial est libellé en mode dollar. Ça veut dire que automatiquement le dollar peut se répandre partout dans le monde. Et là, en fait, les États-Unis ne sont pas obligés de payer, de rembourser les dollars qui sont à l'étranger. Et le contrôle du pétrole aussi. Et le contrôle du pétrole, donc ils ont évidemment accentué à partir des guerres du Golfe qu'ils ont menées successivement. Donc là, effectivement, il y a manifestement une opposition d'intérêt entre les États-Unis d'un côté qui essayent d'avoir la mainmise du pétrole principalement sur le Moyen-Orient. Donc vous savez quand même que les deux tiers des réserves estimées en pétrole se trouvent dans cette zone de l'Arabie saoudite, Irak, Iran, Koweït. Donc c'est une région extrêmement stratégique, étant donné que le pétrole, on sait très bien qu'il n'y aura pas du pétrole comme ça indéfiniment. Et donc c'est une zone stratégique. Et de ce point de vue-là, les Européens, et pas seulement les Européens d'ailleurs, l'ensemble de l'Asie, qui s'approvisionne de manière extrêmement importante au Moyen-Orient, se trouve sous un moyen de pression des États-Unis. Mais l'Europe, elle essaye de copier le modèle social américain, le modèle américain. Tout à fait. Donc il y a véritablement maintenant presque un copiage. Donc le processus de Lisbonne, c'est vraiment utiliser le modèle américain dans tous ses aspects, donc c'est-à-dire au niveau social, au niveau économique, au niveau aussi des relations avec le tiers-monde d'essayer d'avoir des zones particulières où on va pouvoir implanter des bases industrielles, comme par exemple les États-Unis utilisent beaucoup le Mexique pour implanter toute une série d'entreprises avec haute intensité de main-d'œuvre, qui permet alors de réexporter vers les États-Unis. Ici, on est occupé à faire à peu près la même chose avec les pays de l'Est, avec la Turquie et avec d'autres pays. Donc on est occupé vraiment à copier le modèle américain sur tous les aspects. Avec évidemment un problème, c'est que en fait, le copiage du modèle américain ne peut pas se faire sans une opposition manifeste contre les États-Unis. Parce que, évidemment, comme j'ai dit, le modèle américain, il subsiste, il est dominant, parce que, en fait, il a à côté de ça la puissance politique, la puissance militaire, le dollar, le fait que c'est une monnaie internationale, et le fait qu'ils ont un contrôle sur le pétrole. Donc si l'Europe veut faire exactement le copiage, ils devront, en fait, développer la puissance militaire, ils devront essayer de substituer au dollar l'euro, donc ça veut dire automatiquement un conflit. Ils devront essayer de s'approprier les réserves pétrolières stratégiques. Donc, si je comprends bien, le processus de guerre économique entre les blocs auxquels on assiste, ce n'est pas seulement une guerre économique, ça va s'étendre sur tous les terrains, y compris sur un terrain militaire, peut-être. Cela risque. C'est un risque, en tous les cas. Donc, je ne dis pas que dans les 10 ans qui viennent, l'Europe va le faire, parce que, évidemment, par exemple, au niveau militaire, ils ont un retard extrêmement important à rattraper. Mais, effectivement, si on suit la logique économique, donc c'est-à-dire de développement des grandes entreprises, eh bien, donc l'État américain favorise le développement des grandes entreprises américaines. Et donc les Européens essayent de construire pour eux une structure qui leur permet d'avantager les entreprises européennes. L'industrie militaire, c'est très intéressant pour le développement économique d'une économie comme les États-Unis ou l'Europe. Ça, c'est... c'est une question subsidiaire, ça. Ça, c'est très compliqué. Ça joue un rôle pour relancer une économie qui est en crise et en gros problème, comme on sait aux États-Unis. Moi, je pense, normalement, ça peut, mais ça a des effets positifs et négatifs. C'est-à-dire que c'est quand même un secteur bien particulier. Donc aux États-Unis, effectivement, il y a une croissance de cette industrie. Et plus exactement, en fait, il y a la croissance pour toutes les industries des parties militaires. Parce qu'il faut bien savoir que toute une série d'industries se disent tout à fait civiles, mais en réalité ont des applications militaires. Donc par exemple, l'industrie aéronautique, Airbus, hein, donc vous voyez le grand développement entre le combat entre Boeing d'un côté et Airbus de l'autre côté. Mais en réalité, les deux sociétés sont très impliquées dans le militaire. Et donc on a ça pour l'aéronautique, on a ça pour l'électronique, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a la possibilité, à un moment donné, lorsqu'il y a une véritable crise, de pouvoir substituer... donc puisque s'il y a crise, ça veut dire qu'il y a une baisse de la demande civile, de substituer à un moment donné une demande militaire. Mais... D'accord. Moi, je veux bien une armée, mais humanitaire, hein, pas pour faire la guerre. Là, on est un peu dans l'illusion. Ben, pour l'instant, oui. Et de toute façon, les projets très clairs de l'Europe, c'est de faire une armée. Et donc, il y a, à mon avis, deux courants principalement aux États-Unis, en Europe. Peut-être aux États-Unis aussi, mais en tous les cas en Europe, il y a ceux qui veulent faire une armée pour soutenir les interventions américaines dans le monde tel qu'elle se fait en Irak et dans d'autres régions. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les exemples qui sont donnés sont très symptomatiques parce qu'en réalité, ce sont des interventions après que les États-Unis pratiquement soient intervenus militairement. Donc, en fait, on voit qu'il y a une très... je pense que l'oratrice suivante va en expliquer beaucoup mieux que moi, mais il y a une très claire liaison entre l'armée américaine et l'armée européenne de ce point de vue-là. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait une armée européenne qui se crée et qui fassent les interventions, les mêmes interventions ou le même type d'intervention que l'armée américaine, mais au nom de l'Europe uniquement. Je pense que au niveau de la Constitution, il y a une seule phrase qui pourrait empêcher ce genre de choses, c'est de dire, normalement dans le traité constitutionnel, il est mis que les interventions militaires ne peuvent se faire que dans le cadre de l'ONU, mais de l'ONU, non, de l'ONU. On parle de l'Europe. Hein. Donc ils ne peuvent intervenir, faire des interventions que si l'ONU a dit oui. Autre chose est de dire que il y a un autre article qui dit que les pays qui ont des accords avec l'OTAN doivent continuer à respecter. Je retiens donc pour l'instant qu'en fait, il y a une sorte de, il y a vraiment une logique économique qui fait que si les patrons européens décident de détruire le social, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils vont crever. S'ils ne le font pas, ils vont se faire éliminer par leurs concurrents des États-Unis, et que donc cette course à la destruction sociale, c'est une logique économique du système. Dans la salle des pas perdus du grand palais de justice, passent et repassent des gens qui attendent, et qui marchent, et qui démarchent, et qui font des démarches, à longueur de temps, et qui courent derrière la justice, avec des tas de papiers pour avoir des autres papiers. Et la justice, elle court en belle robe, de rendez-vous en rendez-vous, et de remise d'audience en remise d'audience, et les dossiers s'empilent dans les étages administratifs. Mais ça, c'est une autre histoire. On demandait comme ça aux gens qu'on croise la justice. Vous y croyez? C'est quoi la justice? C'est enregistré là? Ouais. Oui. La justice, c'est quelque chose qui a été fait par les hommes pour les hommes. Donc, votre question, c'est certainement, est-ce que vous y croyez une justice absolue? Non, parce qu'elle est faite par les hommes. Et sans elle, nous ne sommes rien non plus. Donc, il faut être mitigé, malgré les erreurs qui s'y passent. Dire par rapport à la double peine, c'est que nous on l'a dépassé. Nous dans le collectif on l'appelle la triple peine. On n'en est plus à la double peine. Comme elle l'explique, la dame qui a fait la grève de la faim pour son compagnon, la double peine ne touche pas que le jeune qui est banni. Mais comme une pierre qu'on jette dans l'eau, elle fait des ronds. Et des ronds et encore des ronds. Et ceux qui sont le plus touchés, ce sont surtout les mères, les épouses, les sœurs, tout ce qui compose la famille autour du banni. Parce que ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand on l'a expulsé, c'est pas évident, encore une fois, je ne témoigne pas vraiment parce que j'essaie de tourner autour, parce que si je commence là-dedans, j'espère ne pas pleurer. Si je pleure, soyez indulgents. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais parler de mon frère. Ahmed a eu des problèmes avec la justice, il avait 18 ans. Pour un fait très très petit, il rentre en justice et va rencontrer à 18 ans des gens qui eux ont fait des gros délits. Il sort de là après un an et il devient un grand délinquant. Parce qu'ayant rencontré d'autres personnes alors qu'il avait 18 ans, il fait un délit un peu plus grave. Il est condamné à 5 ans. Ce n'est pas un crime. De tous ceux que nous avons comme cas, il n'y a pas de personnes qui ont fait un crime. Mais il faut savoir qu'avec la loi Gol, la loi d'il y a 20 ans, il suffisait d'avoir 6 mois à un an de prison pour être passible, de tomber dans la circulaire qu'a expliqué Sylvie, et de pouvoir être expulsé. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les juges quand ils voyaient arriver un crôlé à basket? Eh bien, pour une autoradio, par exemple, on vous rallongeait cette peine et elle tombait dans les 6 mois à un an. Et c'est comme ça qu'on a des bannis qui ont plus de 20 ans d'expulsion. Et ils essayent de refaire une vie, mais ils n'y arriveront pas. Je reviens à mon frère, je suis un peu confuse aujourd'hui. Je reviens à mon frère qui, alors lui, a été expulsé il y a 6 ans. Aujourd'hui, il a 34 ans. Il y a 6 ans, Ahmed avait signé, puisqu'il a 4 ans de prison. On lui propose une réduction de peine s'il accepte de quitter le territoire. Évidemment, pour beaucoup de jeunes maghrébins, l'Eldorado, ce n'est pas ici. L'Eldorado, c'est ce pays, ce mythe qui est le pays de retour. Et ils se disent, au Maroc, je serai tout aussi bien. Alors, ils y vont. Nous, en tant que famille, nous n'avons été prévenus que la veille de son départ. Pour certaines familles, dans le cadre de la double peine, ils sont avertis une heure avant, quand le banni est à l'aéroport. Et c'est de là qu'il téléphone en disant « Maman, je vais prendre l'avion dans une heure. » Par rapport à Ahmed, on a été averti la veille. Par rapport au frère d'Ouria, c'est tombé un 31 décembre. Et les expulsions se font des 31 décembre, des 25 décembre, des moments de fête pour certains, mais des moments de grande angoisse pour d'autres. À ce moment-là, nous ne pouvons appeler ni notre avocat parce qu'il est parti au sport d'hiver. Nous ne pouvons pas appeler la Ligue des droits de l'homme parce que les bureaux ferment à 5h, 6h. Puis c'est une période où on ne peut toucher personne. Alors on va dardard. On court jusqu'à l'aéroport, on essaye de passer certaines portes, certaines douanes. Parfois on le voit. Beaucoup de familles sont arrivées, il avait déjà décollé. Dans le cas de Tayeb, le frère d'Ouria, il avait besoin de médicaments. Il a été expulsé d'ici sans ses médicaments, il est épileptique. Quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler. On voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, n'ont pas l'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies, les enfants claquent les doigts car la musique c'est la loi. La la la la la la la la. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bombards, les vantards, non, n'ont pas l'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon, on marche sous la planète comme dans sa maison. Ici on ne s'inquiète de rien, notre passeport c'était rien. Dans mon quartier vous êtes tous invités, mais quand même ce quartier faudra l'inventer.